Chapitre 13e, les 100 louis de la reine. Maintenant que nous avons fait faire ou fait renouveler connaissance à nos lecteurs avec les principaux personnages de cette histoire, maintenant que nous les avons introduits, et dans la petite maison du comte d'Artois, et dans le palais de Louis XIV à Versailles, nous allons les mener à cette maison de la rue Saint-Claude où la reine de France est entrée incognito et est montée avec André de Tavernet au 4e étage. Une fois la reine disparue, Madame de Lamothe, nous le savons, compta et recompta joyeusement les 100 louis qui venaient de l'échoir si miraculeusement du ciel. 50 beaux doubles louis de 48 livres qui, étalés sur la pauvre table et rayonnant au reflet de la lampe, semblaient humilier par leur présence aristocratique tout ce qu'il y avait de pauvres choses dans l'humble galta. Après le plaisir d'avoir, Madame de Lamothe n'en connaissait pas de plus grand que de faire voir. La possession n'était rien pour elle si la possession ne faisait pas naître l'envie. Il lui répugnait déjà depuis quelque temps d'avoir sa femme de chambre pour confidente de sa misère. Elle se hâta donc de la prendre pour confidente de sa fortune. Alors elle appela Dame Clotilde, demeurée dans l'antichambre, et ménageant habilement le jour de la lampe de manière que l'or resplendit sur la table. « Clotilde, lui dit-elle, la femme de ménage fit un pas dans la chambre. Venez ici et regardez. » ajouta Madame de Lamothe. « Oh, madame !» s'écria la vieille en joignant les mains et en allongeant le cou. « Vous étiez inquiète de vos gages ?» dit Madame la Comtesse. « Oh, madame, jamais je n'ai dit un mot de cela. Dame, j'ai demandé à Madame la Comtesse quand elle pourrait me payer, et c'était bien naturel, n'ayant rien reçu depuis 3 mois. Croyez-vous qu'il y a là de quoi vous payer ?»« Jésus, madame, si j'avais ce qu'il y a là, je me trouverais riche pour toute ma vie. » Madame de Lamothe regarda la vieille en haussant les épaules avec un mouvement d'inexprimable dédain. « C'est heureux, dit-elle, que certaines gens aient souvenir du nom que je porte, tandis que ceux qui devraient s'en souvenir l'oublient. « Et à quoi allez-vous employer tout cet argent ?» demanda Dame Clotilde. « À tout. D'abord, moi, madame, ce que je trouverais de plus important, à mon avis, ce serait de monter ma cuisine, car vous allez donner à dîner, n'est-ce pas, maintenant que vous avez de l'argent ?»« Chut !» fit Madame de Lamothe, on frappe. « Madame se trompe, dit la vieille, toujours économe de ses pas. Mais je vous dis que si. Oh, je promets bien, madame. Allez voir. Je n'ai rien entendu. Oui, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous n'avez rien entendu non plus. Eh bien, si les deux dames étaient parties sans entrer. » Cette raison parut convaincre Dame Clotilde, qui s'achemina vers la porte. « Entendez-vous ? » s'écria Madame de Lamothe. « Ah, c'est vrai, dit la vieille. J'y vais, j'y vais. » Madame de Lamothe se hâta de faire glisser les 50 louis doubles de la table dans sa main. Puis elle les jeta dans un tiroir, et elle murmura, en repoussant le tiroir, « Voyons Providence, encore une centaine de louis !» Et ces mots furent prononcés avec une expression de sceptique avidité qui fait sourire Voltaire. Pendant ce temps, la porte du palier s'ouvrait, et un pas d'homme se faisait entendre dans la première pièce. Quelques mots s'échangèrent entre cet homme et Dame Clotilde sans que la comtesse pût en saisir le sens. Puis la porte se referma, les pas se perdirent dans l'escalier, et la vieille rentra une lettre à la main. « Voilà, » dit-elle, en donnant la lettre à sa maîtresse. La comtesse en examina attentivement l'écriture, l'enveloppe et le cachet, puis relevant la tête. « Un domestique ? » demanda-t-elle. « Oui, madame. Quel livret ? Il n'en avait pas. « C'est donc un grison ? Oui. « Je connais ses armes, » reprit madame de Lamothe, en donnant un nouveau coup d'œil au cachet. Puis, approchant le cachet de la lampe, « De gueule à 9 macles d'or, dit-elle. Qui donc porte de gueule à 9 macles d'or ?» Elle chercha un instant dans ses souvenirs, mais inutilement. « Voyons toujours la lettre, » murmura-t-elle. Et l'ayant ouverte avec soin, pour n'en point endommager le cachet, elle lut. « Madame, la personne que vous avez sollicitée pourra vous voir demain au soir, si vous avez pour agréable de lui ouvrir votre porte. » Et c'est tout. La comtesse fit un nouvel effort de mémoire. « J'ai écrit à tant de personnes, » dit-elle. « Voyons un peu. À qui ai-je écrit ?»« À tout le monde. »« Est-ce un homme ? Est-ce une femme qui me répond ?»« L'écriture ne dit rien, insignifiante. Une véritable écriture de secrétaire. Ce style, style de protecteur, plat et vieux. » Puis elle répéta, « La personne que vous avez sollicitée. » La phrase a l'intention d'être humiliante. C'est certainement d'une femme. Elle continua. « Viendra de m'asseoir si vous avez pour agréable de lui ouvrir votre porte. Une femme eût dit vous attendra demain soir. C'est d'un homme. Et cependant, ces dames d'hier, elles sont bien venues, et pourtant c'était de grandes dames, pas de signature. Qui donc porte de gueule à 9 macles d'or ? Oh ! S'écria-t-elle, ai-je donc perdu la tête, les Rouen, pardieu ? Oui, j'écris à monsieur de Guiménée et à monsieur de Rouen. L'un d'eux me répond, c'est tout simple. Mais l'écusson n'est pas écartelé. La lettre est du cardinal. Ah ! Le cardinal de Rouen, ce galant, ce dameret, cet ambitieux. Il viendra voir madame de Lamotte. Si madame de Lamotte lui ouvre sa porte. Bon, qu'il soit tranquille, la porte lui sera ouverte. Et quand cela, demain soir. Elle se mit à rêver. Une dame de charité qui donne 100 louis peut être reçue dans un galetas. Elle peut geler sur mon carreau froid, souffrir sur mes chaises dures comme le grill de Saint-Laurent, moins le feu. Mais un prince de l'église, un homme de boudoir, un seigneur des cœurs, non. Non, il faut la misère qui visitera un pareil aumônier. Il faut plus de luxe que n'en ont certains riches. Puis se retournant vers la femme de ménage qui achevait de préparer son lit. « À demain, dame Clotilde, dit-elle, n'oublie pas de me réveiller de bonne heure. » Là-dessus, pour penser plus à son aise sans doute, la comtesse fit signe à la vieille de la laisser seule. Dame Clotilde raviva le feu qu'on avait enterré dans les cendres pour donner un aspect plus misérable à l'appartement, ferma la porte et se retira dans la pantie où elle couchait. Jeanne de Valois, au lieu de dormir, fit ses plans pendant toute la nuit. Elle prit des notes au crayon à la lueur de la veilleuse, puis, sûre de la journée du lendemain, elle se laissa, vers 3 heures du matin, engourdir dans un repos dont dame Clotilde, qui n'avait guère plus dormi qu'elle, vint, fidèle à sa recommandation, la tirer au point du jour. Vers 8 heures, elle avait achevé sa toilette, composée d'une robe de soie élégante et d'une coiffure pleine de goût. Chaussée à la fois en grande dame et en jolie femme, la mouche sur la pommette gauche, la militaire brodée au poignet, elle envoya quérir une espèce de brouette à la place où l'on trouvait ce genre de locomotive, c'est-à-dire rue du Pont aux Choux. Elle lui préférait une chaise à porteur, mais il lui fallut l'aller quérir trop loin. La brouette chaise roulante, attelée d'un robuste auvergnat, reçut l'ordre de déposer madame la comtesse à la place royale, où sous les arcades du midi, dans un ancien rez-de-chaussée d'un hôtel abandonné, logeait maître Fingret, tapissier décorateur, tenant meubles d'occasion et autres au plus juste prix pour la vente et la location. L'Auvergnat brouetta rapidement sa pratique de la rue Saint-Claude à la place royale. 10 minutes après sa sortie, la comtesse abordait au magasin de maître Fingret, où nous allons la trouver tout à l'heure, admirant et choisissant dans une espèce de pandémonium dont nous allons essayer de faire l'esquisse. Qu'on se figure des remises d'une longueur de 50 pieds environ sur 30 de large, avec une hauteur de 17. Sur les murs, toutes les tapisseries du règne de Henri IV et de Louis XIII. Au plafond, dissimulé par le nombre des objets suspendus, des lustres à girandoles du XVIIe siècle, heurtant les lézards empaillés, les lampes d'église et les poissons volants. Sur le sol entassé, tapis et nattes, meubles à colonnes torses, à pieds équarris, buffet de chêne sculpté, console Louis XV à pattes dorées, sofa couvert de damas rose ou de velours d'Utrecht, lit de repos, vaste fauteuil de cuir, comme les aimait Sully, armoire d'ébène aux panneaux en relief et aux baguettes de cuivre, table de boule à dessus d'émaux ou de porcelaine, tric-trac, toilette toute garnie, commode de marqueterie d'instruments ou de fleurs. Lit en bois de rose ou en chêne à estrade ou à baldaquin, rideaux de toutes formes, de tout dessin, de toutes étoffes, s'enchevêtrant, se confondant, se mariant ou se heurtant dans les pénombres de la remise. Des clavecins, des épinettes, des harpes, des sistres sur un guéridon, le chien de Marlborough empaillé avec des yeux d'émail. Puis du linge de toute qualité, des robes pendues à côté d'habits de velours, des poignées d'acier, d'argent, de nacre. Des flambeaux, des portraits d'ancêtres, des grisailles, des gravures encadrées, et toutes les imitations de Vernet, alors en vogue, de ce Vernet à qui la reine disait si gracieusement et si finement « Décidément, M. Vernet, il n'y a que vous en France pour faire la pluie et le beau temps. »